Au Venezuela, les partis politiques et 12 formations sociales et mouvements de la ville de Caracas et des provinces de Miranda et de Vargas ont décerné au nom commun un diplôme au dirigeant suprême Kim Jong-un à l'occasion du 75e anniversaire de naissance du général Kim Jong-il. La cérémonie en la matière a eu lieu le 14 février à Caracas. Félix Jesús Velázquez Castillo, coordinateur général du secrétariat fédéral du Parti gauchiste uni du Venezuela, a remis le diplôme à l'ambassadeur coréen dans son pays.